Oh, quelle bonne et excellente femme tu es! S'écria-t-il. Je suis un vieux fou. Je ne mérite pas d'avoir un ange comme toi pour compagne. Je suis tout bonnement la Joséphine de mon Napoléon, répondit-elle avec une teinte de mélancolie. Joséphine ne te valait pas, dit-il. Viens, je vais jouer le whist avec mon frère et mes enfants. Il faut que je me mette à mon métier de père de famille, que je marie mon Hortense et que j'enterre le libertin. Cette bonhomie toucha si fort la pauvre Adeline qu'elle dit « Cette créature a bien mauvais goût de préférer qui que ce soit à mon Hector. Ah, je ne te céderai pas pour tout l'or de la terre. Comment peut-on te laisser quand on a le bonheur d'être aimé par toi ?» Le regard par lequel le baron récompensa le fanatisme de sa femme la confirma dans l'opinion que la douceur et la soumission étaient les plus puissantes armes de la femme. Elle se trompait en ceci. Les sentiments nobles poussés à l'absolu produisent des résultats semblables à ceux des plus grands vices. Bonaparte est devenu l'empereur pour avoir mitraillé le peuple à 2 ans de l'endroit où Louis XVI a perdu la monarchie et la tête pour n'avoir pas laissé verser le sang d'un monsieur Sosse.